Chapitre 45e, la trappe ouverte. « Bonne journée pour Zigomar !» s'était écrié le clown quand il croyait que le détective avait succombé. Mais grâce à l'ingéniosité de Paulin Broquet, la journée ne fut pas, comme l'espérait Fungetti, très bonne pour Zigomar, qui, dans l'ombre, manifestait la renaissance de sa terrible puissance. Jusqu'à présent, les hommes qui clamaient la gloire du grand Zigomar n'avaient pas eu de chance. Paulin Broquet triomphait sur toute la ligne. Mais il n'avait pas eu affaire encore vraiment à Zigomar lui-même. Toujours modeste, le détective dit à ses lieutenants en parlant de ces derniers événements « Peut-être cela changera-t-il quand nous serons prises directement avec le grand Zigomar en personne. Peut-être aurons-nous beaucoup plus de mal. » Comme ses lieutenants souriaient, pleins de confiance dans leur chef, lui, secouant la tête, leur dit « Ah, mes amis, gare à la première rencontre !» Cette première rencontre devait être, pensait Paulin Broquet, toute prochaine. Et il tenait pour certain qu'elle allait suivre de très près la grande réunion de la baleine. Paulin Broquet, une fois sa démonstration faite devant les magistrats de la tentative d'assassinat, abandonna complètement cette affaire, finie pour lui. Elle regardait désormais uniquement le juge d'instruction, qui tout d'abord fit transporter le corps du clown à la morgue. Au service anthropométrique, on ne trouva rien se rapportant à ce malheureux, dont il fut impossible d'établir l'identité. Quant au médecin légiste, ils s'apprêtèrent avec grand intérêt à pratiquer l'autopsie de Fungetti et étudier sur son corps les ravages causés par le macaroni si terriblement préparé. Le rapport devait plus tard corroborer absolument les déclarations du détective qui avait, ainsi que les autres convives, échappé à une mort si épouvantablement cruelle. Paulin Broquet donc ne s'occupa plus que de la séance de la baleine. Il tenait à y assister. Et ses amis, le 1 et le 2, lui ont donné étrangement la facilité. Comme le 1, désireux de compter avec lui, Paulin Broquet pensait que c'était pour un coup d'État, beaucoup de partisans avaient dit à son ami Lapince d'amener à la réunion non seulement le harpon, mais encore le plus de copains qu'il pourrait, le détective mobilisa une partie de sa brigade. À ces hommes désignés pour l'accompagner dans cette expédition, qui certainement ne se passerait pas sans danger, sans événement dramatique, il assigna un rôle, il fit la leçon. Tout son monde, sachant donc parfaitement ce qu'il fallait faire, ayant bien compris la consigne, et se sentant prêt à manœuvrer sans accroc, au premier signal, Paulin Broquet, le samedi dans l'après-midi, alla passer ce qu'il appelait la répétition générale des têtes. Il désirait voir comment chacun de ces hommes s'était habillé, grimé, apprêté pour le rôle qui lui était attribué. Il voulait que rien ne fût douteux, et il tenait aussi à voir les têtes de ces hommes pour les reconnaître. Assurément, les Broquet avaient, tout comme les aides, des signes de reconnaissance, des cris de ralliement. Mais Paulin Broquet voulait pouvoir, dans la foule, sans qu'ils fissent, ou au moment qu'il leur serait impossible de les faire, les gestes convenus distinguer ses agents, les tenir sous ses yeux, les avoir constamment dans la main. Paulin Broquet passa donc en revue ses hommes un à un, donnant des conseils, faisant rectifier des détails de costume. « Ça va, » dit-il enfin, « à ce soir, mes enfants. » À l'amorce qui le suivait, il ajouta « Évidemment, ce n'est pas parfait. Il serait sinon facile, du moins possible, de reconnaître le déguisement. Mais comme ils ne seront pas les seuls affublés de la sorte, et qu'il y aura quantité de zèbres déguisés, ils passeront dans le nombre. Ils auront l'air plus vrais que beaucoup. » Et en souriant, le détective regarda s'éloigner un à un ces hommes vêtus comme les pires voyous, les plus ignobles rôdeurs de barrières. « Ah, franchement, » fit-il, « on ne dirait jamais que ce sont là les plus zélés serviteurs de la justice. » Le soir venu, Paulin Broquet et Gabriel, comme il était convenu, trouvèrent dans l'établissement du père Fricard, à la baleine, leurs amis, le 1 et le 2, qui les attendaient dans un des cabinets des patates. Déjà la fourgue regorgeait de clients. On prévoyait une assemblée nombreuse de zèdes. Le 1 et le 2 attendaient leurs amis. « Eh bien ?» demanda le 1 à Lapince. « As-tu amené du monde ?» « Oui, du bon. Le meilleur de ce qui se trouvait à l'ancienne barbotière, les plus solides clients des enfants de l'Aveyron. Bravo. Ce n'a pas été sans mal. Ils étaient dégoûtés. Ils n'avaient plus confiance. Ils ne voulaient plus rien entendre pour Zigomar. Je comprends. Je leur ai expliqué. Je leur ai dit que tout allait changer. Alors ils sont venus. Bon. Seulement, comme il y a longtemps qu'ils n'ont pas assisté aux séances, ils ne savent plus les signes ni les mots de passe. Tu le leur y as pas dit ? Non. « Je me méfie, je ne voulais pas faire d'erreur. C'est pas le moment. Alors j'ai pensé que tu nous donnerais les signes exacts pour ce soir. »« Le un dit, ça, c'est gênant. Comment faire pour les leur dire? Te frappe pas, mon vieux un. Donne-les au harpon. Il ira les passer tout doucement aux camarades qui sont déjà dans la fourgue. Ça va. D'ailleurs, nous serons là, le deux et moi, pour faire glisser tes amis, même avec des signes incomplets, si tu les reconnais. Il faut qu'ils se défilent devant nos yeux. Tu resteras avec nous. Le un fit alors devant la pince et le harpon les signes de reconnaissance, leur donna les mots de passe. Le harpon passa dans la fourgue. En circulant de table en table, adroitement, il renseigna les hommes de Paulin Broquet. Puis, il revint dans le cabinet où le 1 et le 2 donnaient à la pince les indications sur le rôle que devaient remplir les assesseurs. « Je te dis cela, déclara le 1, parce que dans le cas où les camarades ou les aides débarqueraient le zigomar qui présidera, pour en nommer un autre, et que cet autre, ça serait toi, oui, j'aurais besoin aussitôt d'assesseurs, dont je serais sûr. » Tu ne leur y as pas dit? Maintenant très documenté, Paulin Broquet aurait pu remplir le rôle d'assesseur, comme s'il n'avait jamais fait autre chose durant sa vie. Mais, finit par demander la pince, voilà l'heure qui avance. Les aides vont entrer en séance. Par où passeront-ils? Par ici. Comment par ici? Oui, la trappe de l'escalier se trouve sous cette table. Tu blagues, regarde. Le 1 alors, aidé par le 2, souleva la table chargée de bouteilles et de verres. En attendant cette heure, il avait fallu faire quelque chose, et dans ce monde, ce qu'on fait de mieux, c'est boire. Les deux hommes portèrent la table dans un coin du cabinet, débarrassant ainsi le milieu de cette pièce. Le un tapa du pied sur le plancher, sale, boueux, qui n'avait jamais vu la paille de fer et ne connaissait peut-être même pas le balai. « Voilà la porte, » dit-il. Il prit dans la poche de son veston crasseux, décoloré, une sorte de pince monseigneur, l'enfonça dans une des rainures du plancher. Il pesa fortement, donna quelques secousses violentes. « On voit bien qu'il y a longtemps qu'on n'a pas ouverte. » Enfin, la trappe céda. Le 1 et le 2 soulevèrent le battant et le firent retomber pour l'appuyer contre le mur. Alors un trou noir apparut dans le carré découpé ainsi soudainement dans le plancher. Le 1 saisit la lampe à pétrole qui éclairait le cabinet et dirigea la clarté vers le trou noir. Des marches d'escalier apparurent. « Tu vois, » poursuivit le 1, achevant de donner des explications à la pince, « pour ouvrir la trappe, il faut posséder l'outil que voici, cette pince, monseigneur. » Cette espèce de levier. J'ai vu, mais une fois qu'on est là-dedans. Attends. Quand on y entre sous la baleine, que les aides sont en séance, la trappe se referme. Les barres que voici se croisent, compris. Du dehors, on ne peut soulever la trappe, même avec une pince comme celle-ci, si l'homme de garde qui va se poster dessous ne fait pas jouer les barres. Oui, comme ça on est bien gardé. Pas de surprise. C'est aussi bien, sinon mieux qu'à la première barbotière du boulevard de Clichy. Ah fit la pince, celle-là était bien. J'y étais la fois que Paulin Broquet y vint. Tu as vu ça? Tu te rappelles? Eh bien, mon vieux, je puis te donner ma parole que si Paulin Broquet avait la fantaisie de venir voir ce qui se passe ici, il ne sortirait pas vivant de la baleine. Puis il ajouta, maintenant, allons allumer les lampes, préparer la séance.